C'est le temps du commentaire de disque. Commentaire de disque que je fais à chaque semaine, bien sûr. Et que vous pouvez lire sur les différents sites, là, soit Centrare, www.centrare.qc.ca, soit québecpop.com, www.québecpop.com, ou encore, tout simplement, la page Facebook de Canrock, CAN-ROCK. Cette semaine, Vivre en ville, les Rats de Swamp. La formation festive franco-ontarienne Les Rats de Swamp nous propose un premier opus. Vivre en ville est un mélange de musique traditionnelle et de compos originales. Dès la première plage qu'on va entendre dans quelques instants, Le Temps des Pommes, on nous donne vraiment une image précise de l'énergie de l'album, que ce soit les chansons traditionnelles ou les compositions. Les arrangements sont assez solides, laissant de temps en temps l'avant-scène au banjo, à la guitare, au violon. Les harmonies vocales sont assez intéressantes et souvent viennent donner une profondeur au refrain ou tout simplement à un couplet. Donc, je vous donne une adresse comme ça pour découvrir ce groupe-là qui habituellement tourne aussi avec le père Garneau qui fait des comptes sur scène. Eh bien, c'est tout simplement lesrats.ca. Lesrats.ca. Donc, RA avec S, bien sûr. Donc, vraiment assez intéressant comme produit franco-ontarien. Un trio qui, sur scène, sont souvent 6, donc une belle énergie. Mais on ressent cette énergie-là sur l'album comme tel. On va y aller, comme je vous disais, avec une première plage, celle qui ouvre l'album. Assez intéressant, merci. Donc, c'est la pièce « Le Temps des Pommes ». Et vous allez tout de suite découvrir la belle énergie que nous propose Les Rats de Swamp. Voici Le Temps des Pommes. C'était au temps des pommes, Collet avait 12 ans, mais il faisait son homme comme un garçon de 20 ans. Un jour avec Colette, la fille du voisin, il faisait la cueillette des pommes du jardin. Il faisait la cueillette des pommes du jardin. À peine dans l'ouvrage, il voulut te baiser, mais Colette étant sage, cru bon de refuser. Elle ajouta quand même, je te le donnerai, si tu remplis toi-même ton panier le premier. Si tu remplis toi-même ton panier le premier. C'était au temps des pommes, Collet avait 12 ans, mais il faisait son homme comme un garçon de 20 ans. Un jour avec Colette, la fille du voisin, il faisait la cueillette des pommes du jardin. Il faisait la cueillette des pommes du jardin. Caché non loin de là, suivi d'un œil fidèle, ce qui s'y déroule là. Il vit que sa Colette des pommes plaît les mains, en mettait en cachette dans le panier à Colin. En mettait en cachette dans le panier à Colin. En mettait en cachette dans le panier à Colin. En mettait en cachette dans le panier à Colin. En mettait en cachette dans le panier à Colin. En mettait en cachette dans le panier à Colin. Son homme comme un garçon de 20 ans. Un jour avec Colette, la fille du voisin, il faisait la cueillette des pommes du jardin. Il faisait la cueillette des pommes du jardin. Parlons des belles compositions, si vous voulez, les compositions originales. Il y a Tissot Nagan, qu'on va entendre dans quelques instants, vous allez voir. Selon moi, c'est la toune de l'album. Une chanson folk rock mélodieuse aux couleurs irlandaises qui nous berce en accompagnant le texte de l'album, ça c'est certain, c'est un superbe beau texte. La pièce médiane, eh bien, c'est Medley du violoneux. C'est la pièce médiane de l'album, qui est une pièce instrumentale. On laisse entrevoir des arrangements superbes où s'harmonise violon, guitare et effet wah-wah des années 70. Mais c'est pas vieux jeu, c'est vraiment solide. Ça, c'est vraiment là, un tourbillon de rythme et de son et de mélodie assez puissant, merci. Donc vraiment une très bonne pièce. Il y a aussi cette belle ballade irlandaise qui finit presque l'album. Tune pour Alex, un beau moment rempli de mélancolie, un sing-along remarquable qui nous berce. On va voir ça à la fin du commentaire, bien sûr. Mais pour l'instant, voici Tisonagan. Swamp est un petit album de party assez intéressant. qui nous offre de belles reprises de chansons traditionnelles et de belles compositions originales. C'est un beau mélange, vraiment. Les arrangements sont assez bien réussis, tant au niveau des musiques que des harmonies vocales. Donc, je vous invite à découvrir l'univers de ces jeunes musiciens franco-ontariens via leur site Internet. Vous allez tout simplement au lesratswamp.ca. Lesratswamp.ca. Vous allez découvrir un bel univers des jeunes talentueux qui nous offrent un produit assez intéressant. On va y aller avec une dernière pièce, une chanson qui est venue me chercher quand même au niveau du texte. C'est vraiment touchant. Toon pour Alex, un beau moment rempli de mélancolie et aussi c'est une espèce de sing-along. On se laisse embarquer sur la mélodie et on chante avec le refrain. Donc c'est vraiment merveilleux. Voici Toon pour Alex. Pour braver l'hiver, quoi de mieux qu'une caisse de bière? Assis sur mon divan, attendant le printemps. Il faut relaxer, savoir en profiter. Car rendu à l'été, va falloir travailler. Sans bottines, sans gants, jusqu'à l'aube, jusqu'au sang, tout ça pour gagner du temps. La magie. Faudra grandir. On a débuté notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec les Moon Fruits, ce superbe duo folk assez intéressant qui connaissent une année, ma foi, une année remarquable. Ça va très bien pour eux depuis la sortie de leur album « 5 quelque part ». Et c'est la pièce-titre qu'on vient d'entendre. Et ces jours-ci, ils sont du côté de la Colombie-Britannique. Donc, ils ont été dans l'Est, si je ne me trompe pas. Ils sont maintenant à l'Ouest. Ils sont promenés à la nuit sur le temps, entre autres, au Québec. Donc, ça va très bien pour eux. Très content. Donc, 5 quelque part, Moon Fruit, en Colombie-Britannique. Allez les voir, les gens de Victoria. Allez voir ce duo-là. C'est remarquable. Ce qui est remarquable, c'est... et puis, vous pouvez voir ça sur ma page Facebook... C'est le double plateau qu'on nous propose à Sudbury le 25 avril prochain, dès 17h, au Red Fang Tavern. C'est M. Édouard Landry et Mme Christine Saint-Pierre, deux artistes que j'adore énormément. Donc, on va les entendre. Édouard Landry avec Loin de Montréal et Christine Saint-Pierre avec La Promesse. Sur le Mont-Royal, c'est moi qui t'accompagne, aussi loin de Montréal. Ce n'est pas toujours facile quand la vie nous rend fébrile. Sous le poids des années, on a peine à nommer tout ce qui nous a changé. On n'a pas toujours le choix de voir au-delà de soi.